Chapitre 7. Une discussion cartologique. Pendant ces préparatifs d'hivernage, Altamonte avait repris entièrement ses forces et sa santé. Il put même s'employer au déchargement du navire. Sa vigoureuse constitution l'avait enfin emporté et sa pâleur ne put résister longtemps à la vigueur de son sang. On vit renaître en lui l'individu robuste et sanguin des États-Unis, l'homme énergique et intelligent, doué d'un caractère résolu, l'Américain entreprenant, audacieux, prompt à tout. Il était originaire de New York et naviguait depuis son enfance ainsi qu'il l'apprit à ses nouveaux compagnons. Son navire, le Porpoise, avait été équipé et mis en mer par une société de riches négociants de l'Union, à la tête de laquelle se trouvait le fameux Grinnell. Certains rapports existaient entre Hatteras et lui, des similitudes de caractère, mais non des sympathies. Cette ressemblance n'était pas de nature à faire des amis de ces deux hommes, au contraire. D'ailleurs, un observateur eut fini par démêler entre eux de graves désaccords. Ainsi, tout en paraissant déployer plus de franchise, Altamonte devait être moins franc qu'Hatteras. Avec plus de laisser-aller, il avait moins de loyauté. Son caractère ouvert n'inspirait pas autant de confiance que le tempérament sombre du capitaine. Celui-ci affirmait son idée une bonne fois, puis il se renfermait en elle. L'autre, en parlant beaucoup, ne disait souvent rien. Voilà ce que le docteur reconnut peu à peu du caractère de l'Américain, et il avait raison de pressentir une inimitié future, sinon une haine, entre les capitaines du Porpoise et du Forward. Et pourtant, de ces deux commandants, il ne fallait qu'un seul à commander. Certes, Hatteras avait tous les droits à l'obéissance de l'Américain, les droits de l'antériorité et ceux de la force. Mais si l'un était à la tête des siens, l'autre se trouvait à bord de son navire. Cela se sentait. Par politique ou par instinct, Altamonte fut d'abord entraîné vers le docteur. Il lui devait la vie, mais la sympathie le poussait vers ce digne homme plus encore que la reconnaissance. Tel était l'inévitable effet du caractère du digne Claoboni. Les amis poussaient autour de lui comme les blés au soleil. On a cité des gens qui se levaient à 5 heures du matin pour se faire des ennemis. Le docteur se fut levé à 4 sans y réussir. Cependant, il résolut de tirer parti de l'amitié d'Altamonte pour connaître la véritable raison de sa présence dans les mers polaires. Mais l'Américain, avec tout son verbiage, répondit sans répondre. Il reprit son thème accoutumé du passage du Nord-Ouest. Le docteur soupçonnait à cette expédition un autre motif, celui-là même que craignait Hatteras. Aussi résolut-il de ne jamais mettre les deux adversaires aux prises sur ce sujet. Mais il n'y parvint pas toujours. Les plus simples conversations menaçaient de dévier malgré lui, et chaque mot pouvait faire étincelle au choc des intérêts rivaux. Cela arriva bientôt, en effet. Lorsque la maison fut terminée, le docteur résolut de l'inaugurer par un repas splendide. Une bonne idée de Claoboni, qui voulait ramener sur ce continent les habitudes et les plaisirs de la vie européenne. Bell avait précisément tué quelques ptamigans et un lièvre blanc, le premier messager du printemps nouveau. Ce festin eut lieu le 14 avril, le second dimanche de la Quasimodo, par un beau temps très sec. Mais le froid ne se hasardait pas à pénétrer dans la maison de glace. Les poils qui ronflaient en auraient eu facilement raison. On dîna bien, la chair fraîche fit une agréable diversion aux pemmicans et aux viandes salées. Un merveilleux pudding, confectionné de la main du docteur, eut les honneurs de tous. On en redemanda. Le savant maître Coq, un tablier au rein et le couteau à la ceinture, n'eut pas déshonoré les cuisines du grand chancelier d'Angleterre. Au dessert, les liqueurs firent leur apparition. L'Américain n'était pas soumis au régime des Anglais teetotalers. Il n'y avait donc aucune raison pour qu'il se privât d'un verre de gin ou de brandy. Les autres convives, gens sobres d'ordinaire, pouvaient sans inconvénient se permettre cette infraction à leurs règles. Donc, par ordonnance du médecin, chacun put trinquer à la fin de ce joyeux repas. Pendant les toasts, portés à l'union, Hatteras s'était tu, simplement. Ce fut alors que le docteur mit une question intéressante sur le tapis. « Mes amis, dit-il, ce n'est pas tout d'avoir franchi les détroits, les banquises, les champs de glace, et d'être venu jusqu'ici. Il nous reste quelque chose à faire. Je viens vous proposer de donner des noms à cette terre hospitalière où nous avons trouvé le salut et le repos. C'est la coutume suivie par tous les navigateurs du monde, et il n'est pas un d'eux qui n'ait manqué en pareille circonstance. Il faut donc, à notre retour, rapporter, avec la configuration hydrographique des côtes, les noms des caps, des baies, des pointes et des promontoires qui les distinguent. Cela est de toute nécessité. « Voilà qui est bien parlé !» s'écria Johnson. D'ailleurs, quand on peut appeler toutes ces terres d'un nom spécial, cela leur donne un air sérieux, et l'on n'a plus le droit de se considérer comme abandonné sur un continent inconnu. « Sans compter, répliqua Bell, que cela simplifie les instructions en voyage et facilite l'exécution des ordres. Nous pouvons être forcés de nous séparer pendant quelques expéditions ou dans une chasse, et rien de tel pour retrouver son chemin que de savoir comment il se nomme. « Eh bien, dit le docteur, puisque nous sommes tous d'accord à ce sujet, tâchons de nous entendre maintenant sur les noms à donner, et n'oublions ni notre pays, ni nos amis dans la nomenclature. Pour moi, quand je jette les yeux sur une carte, rien ne me fait plus de plaisir que de relever le nom d'un compatriote au bout d'un cap, à côté d'une île ou au milieu d'une mer. C'est l'intervention charmante de l'amitié dans la géographie. « Vous avez raison, docteur, répondit l'Américain. Et de plus, vous dites ces choses-là d'une façon qui en rehausse le prix. « Voyons, répondit le docteur, procédons avec ordre. » Hatteras n'avait pas encore pris part à la conversation. Il réfléchissait. Cependant, les yeux de ses compagnons s'étant fixés sur lui, il se leva et dit « Sauf meilleur avis, et personne ici ne me contredira, je pense. » En ce moment, Hatteras regardait Altamonte. « Il me paraît convenable de donner à notre habitation le nom de son habile architecte, du meilleur d'entre nous, et de l'appeler « Doctor's House ».»« C'est cela !» répondit Bell. « Bien !» s'écria Johnson. « La maison du docteur !»« On ne peut mieux faire !» répondit Altamonte. « Hurrah ! Pour le docteur Claoboni !» Un triple « hurrah » fut poussé d'un commun accord auquel Duke mêla ses aboiements d'approbation. « Ainsi donc, reprit Hatteras, que cette maison soit ainsi appelée en attendant qu'une terre nouvelle nous permette de lui décerner le nom de notre ami. « Ah !» fit le vieux Johnson, « si le paradis terrestre était encore à nommer, le nom de Claoboni lui irait à merveille. » Le docteur, très ému, voulut se défendre par modestie. Il n'y eut pas moyen, il fallut en passer par là. Il fut donc bien et dûment arrêté que ce joyeux repas venait d'être pris dans le grand salon de Doctor's House après avoir été confectionné dans la cuisine de Doctor's House et qu'on irait gaiement se coucher dans la chambre de Doctor's House. « Maintenant, dit le docteur, passons à des points plus importants de nos découvertes. « Il y a, répondit Hatteras, cette mer immense qui nous environne et dont pas un navire n'a encore sillonné les flots. « Pas un navire ? Il me semble cependant, dit Altamonte, que le porpoise ne doit pas être oublié, à moins qu'il ne soit venu par terre, ajouta-t-il railleusement. On pourrait le croire, répliqua Hatteras, à voir les rochers sur lesquels il flotte en ce moment. Vraiment, Hatteras, dit Altamonte d'un air piqué, mais à tout prendre, cela ne vaut-il pas mieux que de s'éparpiller dans les airs, comme a fait le Forward ? Hatteras allait répliquer avec vivacité quand le docteur intervint. « Mes amis, dit-il, il n'est point question ici de navire, mais d'une mer nouvelle. »« Elle n'est pas nouvelle, répondit Altamonte. Elle est déjà nommée sur toutes les cartes du pôle. Elle s'appelle l'océan Boréal, et je ne crois pas qu'il soit opportun de lui changer son nom. Plus tard, si nous découvrons qu'elle ne forme qu'un détroit ou un golfe, nous verrons ce qu'il conviendra de faire. »« Soit, fit Hatteras. Voilà qui est entendu, répondit le docteur. » regrettant presque d'avoir soulevé une discussion grosse de rivalité nationale. « Arrivons donc à la terre que nous foulons en ce moment, » reprit Hatteras. « Je ne sache pas quel est un nom quelconque sur les cartes les plus récentes. » En parlant ainsi, il fixait du regard Altamonte, qui ne baissa pas les yeux, et répondit « Vous pourriez encore vous tromper, Hatteras. »« Me tromper ? Quoi ? Cette terre inconnue, ce sol nouveau ?»« A déjà un nom, » répondit tranquillement l'Américain. Hatteras se tut, ses lèvres frémissaient. « Et quel est ce nom ? » demanda le docteur, un peu étonné de l'affirmation de l'Américain. « Mon cher Claoboni, répondit Altamonte, c'est l'habitude, pour ne pas dire le droit, de tout navigateur de nommer le continent auquel il aborde le premier. Il me semble donc qu'en cette occasion, j'ai dû user de ce droit incontestable. Cependant, fit Johnson, auquel déplaisait le sang-froid cassant d'Altamonte. Il me paraît difficile de prétendre, reprit ce dernier, que le Porpoise n'ait pas atterri sur cette côte, et même en admettant qu'il y soit venu par terre, ajouta-t-il en regardant à terrasse, cela ne peut faire question. C'est une prétention que je ne saurais admettre, répondit gravement à terrasse en se contenant. Pour nommer, il faut au moins découvrir, et ce n'est pas ce que vous avez fait, je suppose. Sans nous, d'ailleurs, où seriez-vous, monsieur, vous qui venez nous imposer des conditions? « À 20 pieds, sous la neige. » « Et sans moi, monsieur, répliqua vivement l'Américain, sans mon navire, que seriez-vous en ce moment, mort de faim et de froid ?»« Mes amis, fit le docteur en intervenant de son mieux, voyons un peu de calme, tout peut s'arranger, écoutez-moi. »« Monsieur, continua Altamonte, en désignant le capitaine, pourra nommer toutes les autres terres qu'il découvrira s'il en découvre. Mais ce continent m'appartient. » Je ne pourrais même admettre la prétention qu'il porta deux noms, comme la terre Grinnell, nommée également terre du prince Albert, parce qu'un Anglais et un Américain la reconnurent presque en même temps. Ici, c'est autre chose. Mes droits d'antériorité sont incontestables. Aucun navire avant le mien n'a rasé cette côte de son plat-bord. Pas un être humain avant moi n'a mis le pied sur ce continent. Or, je lui ai donné un nom, et il le gardera. « Et quel est ce nom ? » demanda le docteur. « La Nouvelle-Amérique, » répondit Altamonte. Les poings d'Atterra se crispèrent sur la table, mais, faisant un violent effort sur lui-même, il se contint. « Pouvez-vous me prouver, » reprit Altamonte, « qu'un Anglais ait jamais foulé ce sol avant un Américain ?» Johnson et Bell se taisaient, bien qu'ils fussent non moins irrités que le capitaine de l'impérieux aplomb de leur contradicteur. Mais il n'y avait rien à répondre. Le docteur reprit la parole après quelques instants d'un silence pénible. « Mes amis, dit-il, la première loi humaine est la loi de la justice. Elle renferme toutes les autres. Soyons donc justes et ne nous laissons pas aller à de mauvais sentiments. La priorité d'Altamonte me paraît incontestable. Il n'y a pas à la discuter. Nous prendrons notre revanche plus tard et l'Angleterre aura bonne part dans nos découvertes futures. Laissons donc à cette terre le nom de la Nouvelle-Amérique. Mais Altamonte, en la nommant ainsi, n'a pas, j'imagine, disposé des baies, des caps, des pointes, des promontoires qu'elle contient, et je ne vois aucun empêchement à ce que nous nommions cette baie la baie Victoria. « Aucun, répondit Altamonte, si le cap qui s'étend là-bas dans la mer porte le nom de Cap Washington. Vous auriez pu, monsieur, s'écria Terra hors de lui, choisir un nom moins désagréable à une oreille anglaise. « Mais non plus cher à une oreille américaine, » répondit Altamonte avec beaucoup de fierté. « Voyons, voyons, » répondit le docteur qui avait fort à faire pour maintenir la paix dans ce petit monde. « Pas de discussion à cet égard, qu'il soit permis à un Américain d'être fier de ses grands hommes. Honorons le génie partout où il se rencontre. Et puisque Altamonte a fait son choix, parlons maintenant pour nous et les nôtres. Que notre capitaine... »« Docteur, » répondit ce dernier, « cette terre étant une terre américaine, « je désire que mon nom n'y figure pas. »« C'est une décision irrévocable, » dit le docteur. « Absolue, » répondit Atterras. Le docteur n'insista pas. « Eh bien, à nous, » dit-il en s'adressant au vieux marin et au charpentier. « Laissons ici quelques traces de notre passage. Je vous propose d'appeler l'île que nous voyons à 3 miles au large, île Johnson, en l'honneur de notre maître d'équipage. »« Oh !» fit ce dernier, un peu confus, « Monsieur Clawbonny. » « Quant à cette montagne que nous avons reconnue dans l'ouest, nous lui donnerons le nom de Belmont, si notre charpentier y consent. »« C'est trop d'honneur pour moi, » répondit Bell. « C'est justice, » répondit le docteur. « Rien de mieux, » fit Altamonte. « Il ne nous reste donc plus que notre fort à baptiser, » reprit le docteur. « Là-dessus, nous n'aurons aucune discussion. Ce n'est ni à sa gracieuse majesté la reine Victoria, ni à Washington, que nous devons d'y être abrités en ce moment. » Mais à Dieu, qui, en nous réunissant, nous a sauvés tous. Que ce fort soit donc nommé le Fort Providence. C'est justement trouvé, répartit Altamonte. Le Fort Providence, reprit Johnson, cela sonne bien. Ainsi donc, en revenant de nos excursions du Nord, nous prendrons par le Cap Washington pour gagner la baie Victoria, de là le Fort Providence, où nous trouverons repos et nourriture dans Doctor's House. Voilà qui est entendu. Répondit le docteur. Plus tard, au fur et à mesure de nos découvertes, nous aurons d'autres noms à donner, qui n'amèneront aucune discussion, je l'espère. car, mes amis, il faut ici se soutenir et s'aimer. Nous représentons l'humanité tout entière sur ce bout de côte. Ne nous abandonnons donc pas à ces détestables passions qui harcèlent les sociétés. Réunissons-nous de façon à rester forts et inébranlables contre l'adversité. Qui sait ce que le ciel nous réserve de dangers à courir, de souffrances à supporter, avant de revoir notre pays. Soyons donc cinq en un seul, et laissons de côté des rivalités qui n'ont jamais raison d'être, ici moins qu'ailleurs. Vous m'entendez, Altamonte, et vous, à terrasse. Les deux hommes ne répondirent pas, mais le docteur fit comme s'ils eussent répondu. Puis, on parla d'autre chose. Il fut question de chasses à organiser pour renouveler et varier les provisions de viande. Avec le printemps, les lièvres, les perdrix, les renards même, les ours aussi, allaient revenir. On résolut donc de ne pas laisser passer un jour favorable sans pousser une reconnaissance sur la terre de la Nouvelle-Amérique. Chapitre 8. Excursion au nord de la baie Victoria. Le lendemain, au premier rayon du soleil, Clawbonny gravit les rampes assez roides de cette muraille de rochers contre laquelle s'appuyait Dr. South. Elle se terminait brusquement par une sorte de cône tronqué. Le docteur parvint non sans peine à son sommet et de là son regard s'étendit sur une vaste étendue de terrain convulsionné qui semblait être le résultat de quelque commotion volcanique. Un immense rideau blanc recouvrait le continent et la mer sans qu'il fût possible de les distinguer l'un de l'autre. En reconnaissant que ce point culminant dominait toutes les plaines environnantes, le docteur eut une idée, et qui le connaît ne s'en étonnera guère. Son idée, il la mûrit, il la combina, il la creusa, il en fut tout à fait maître en rentrant dans la maison de neige, et il la communiqua à ses compagnons. « Il m'est venu à l'esprit, leur dit-il, d'établir un phare au sommet de ce cône qui se dresse au-dessus de nos têtes. « Un phare ! » s'écria-t-on. « Oui, un phare ! Il aura un double avantage, celui de nous guider la nuit lorsque nous reviendrons de nos excursions lointaines et celui d'éclairer le plateau pendant nos 8 mois d'hiver. » « À coup sûr, répondit Altamonte, un semblable appareil serait une chose utile. Mais comment l'établirez-vous » « Avec l'un des fanaux du porpoise. D'accord, mais avec quoi alimenterez-vous la lampe de votre phare ? Est-ce avec de l'huile de phoque ? Non pas. La lumière produite par cette huile ne jouit pas d'un pouvoir assez éclairant. Elle pourrait à peine percer le brouillard. Prétendez-vous donc tirer de notre houille l'hydrogène qu'elle contient et nous faire du gaz d'éclairage ? Bon. Cette lumière serait encore insuffisante, et elle aurait le tort grave de consommer une partie de notre combustible. Alors, fit Altamonte, je ne vois pas. Pour mon compte, répondit Johnson, depuis la balle de mercure, depuis la lentille de glace, depuis la construction du fort Providence, je crois Monsieur Clawbonny capable de tout. Eh bien, reprit Altamonte, nous direz-vous quel genre de phare vous prétendez établir ? C'est bien simple, répondit le docteur, un phare électrique. Un phare électrique ? Sans doute, n'aviez-vous pas à bord du Porpoise une pile de benzène en parfait état ? Oui, répondit l'Américain. Évidemment, en les emportant, vous aviez en vue quelque expérience, car rien ne manque, ni les fils conducteurs parfaitement isolés, ni l'acide nécessaire pour mettre les éléments en activité. Il est donc facile de nous procurer de la lumière électrique. On y verra mieux et cela ne coûtera rien. « Voilà qui est parfait, répondit le maître d'équipage, et moins nous perdrons de temps. »« Eh bien, les matériaux sont là, répondit le docteur, et en 1 heure, nous aurons élevé une colonne de glace de 10 pieds de hauteur, ce qui sera très suffisant. » Le docteur sortit. Ses compagnons le suivirent jusqu'au sommet du cône. La colonne s'éleva promptement et fut bientôt couronnée par l'un des fanaux du Porpoise. Alors le docteur y adapta les fils conducteurs qui se rattachaient à la pile. Celle-ci, placée dans le salon de la maison de glace, était préservée de la gelée par la chaleur des poêles. De là, les fils montaient jusqu'à la lanterne du phare. Tout cela fut installé rapidement et on attendit le coucher du soleil pour jouir de l'effet. À la nuit, les 2 pointes de charbon, maintenues dans la lanterne à une distance convenable, furent rapprochées, et des faisceaux d'une lumière intense que le vent ne pouvait ni modérer ni éteindre jaillirent du fanal. C'était un merveilleux spectacle que celui de ces rayons frissonnants dont l'éclat, rivalisant avec la blancheur des plaines, dessinait vivement l'ombre de toutes les saillies environnantes. Johnson ne put s'empêcher de battre des mains. « Voilà, Monsieur Clawbonny, dit-il, qui fait du soleil à présent. » Il faut bien faire un peu de tout, répondit modestement le docteur. Le froid mit fin à l'admiration générale et chacun alla se blottir sous ses couvertures. La vie fut alors régulièrement organisée. Pendant les jours suivants, du 15 au 20 avril, le temps fut très incertain. La température sautait subitement d'une vingtaine de degrés et l'atmosphère subissait des changements imprévus, tantôt imprégnée de neige et agitée par les tourbillons, tantôt froide et sèche, au point que l'on ne pouvait mettre le pied au dehors sans précaution. Cependant, le samedi, le vent vint à tomber. Cette circonstance rendait possible une excursion. On résolut donc de consacrer une journée à la chasse pour renouveler les provisions. Dès le matin, Altamont, le docteur, Bell, armés chacun d'un fusil à deux coups, de munitions suffisantes, d'une hachette et d'un couteau à neige pour le cas où il deviendrait nécessaire de se créer un abri, partirent par un temps couvert. Pendant leur absence, Hatteras devait reconnaître la côte et faire quelques relevés. Le docteur eut soin de mettre le phare en activité. Ses rayons luttèrent avantageusement avec les rayons de l'astre radieux. En effet, la lumière électrique, équivalente à celle de 3000 bougies ou de 300 becs de gaz, est la seule qui puisse soutenir la comparaison avec l'éclat solaire. Le froid était vif, sec et tranquille. Les chasseurs se dirigèrent vers le cap Washington. La neige durcie favorisait leur marche. En une demi-heure, ils franchirent les 3 miles qui séparaient le cap de Fort Providence. Duke gambadait autour d'eux. La côte s'infléchissait vers l'est et les hauts sommets de la baie Victoria tendaient à s'abaisser du côté du nord. Cela donnait à supposer que la Nouvelle-Amérique pourrait bien n'être qu'une île. Mais il n'était pas alors question de déterminer sa configuration. Les chasseurs prirent par le bord de la mer et s'avancèrent rapidement. Nulle trace d'habitation, nul reste de hutte. Ils foulaient un sol vierge de tout pas humain. Ils firent ainsi une quinzaine de miles pendant les 3 premières heures, mangeant sans s'arrêter. Mais leur chasse menaçait d'être infructueuse. En effet, c'est à peine s'ils virent des traces de lièvres, de renards ou de loups. Cependant, quelques snowbirds, voltigeant çà et là, annonçaient le retour du printemps et des animaux arctiques. Les 3 compagnons avaient dû s'enfoncer dans les terres pour tourner des ravins profonds et des rochers à pic qui se reliaient au Belmont. Mais, après quelques retards, ils parvinrent à regagner le rivage. Les glaces n'étaient pas encore séparées, loin de là. La mer restait toujours prise. Cependant, des traces de phoques annonçaient les premières visites de ces amphibies, qui venaient déjà respirer à la surface de l'Icefield. Il était même évident, à de larges empreintes, à de fraîches cassures de glaçons, que plusieurs d'entre eux avaient pris terre tout récemment. Ces animaux sont très avides des rayons du soleil. Ils s'étendent volontiers sur les rivages pour se laisser pénétrer par sa bienfaisante chaleur. Le docteur fit observer ces particularités à ses compagnons. « Remarquons cette place avec soin, leur dit-il. Il est fort possible que l'été venu, nous rencontrions ici des phoques par centaines. Ils se laissent facilement approcher dans les parages peu fréquentés des hommes, et on s'en empare aisément. Mais il faut bien se garder de les effrayer, car alors ils disparaissent comme par enchantement et ne reviennent plus. C'est ainsi que des pêcheurs maladroits, au lieu de les tuer isolément, les ont souvent attaqués en masse, avec bruit et vocifération, et ont perdu ou compromis leur chargement. « Les chassent-on seulement pour avoir leur peau ou leur huile ?» demanda Bell. « Les Européens, oui, mais ma foi, les Esquimaux les mangent. Ils en vivent, et ces morceaux de phoque qu'ils mélangent dans le sang et la graisse n'ont rien d'appétissant. Après tout, il y a manière de s'y prendre, et je me chargerai d'en tirer de fines côtelettes qui ne seraient point à dédaigner pour qui se ferait à leur couleur noirâtre. « Nous vous verrons à l'œuvre, » répondit Bell. « Je m'engage de confiance à manger de la chair de phoque tant que cela vous fera plaisir. Vous m'entendez, monsieur Claoboni ?»« Mon brave Bell, vous voulez dire tant que cela vous fera plaisir. » Mais vous aurez beau faire, vous n'égalerez jamais la voracité du Groenlandais, qui consomme jusqu'à 10 et 15 livres de cette viande par jour. 15 livres, fit Bell, quels estomacs ! Des estomacs polaires, répondit le docteur, des estomacs prodigieux, qui se dilatent à volonté, et j'ajouterai qui se contractent d'eux-mêmes, aptes à supporter la disette comme l'abondance. Au commencement de son dîner, l'esquimau est maigre, à la fin il est gras, et on ne le reconnaît plus. Il est vrai que son dîner dure souvent une journée entière. Évidemment, dit Altamont, cette voracité est particulière aux habitants des pays froids. Je le crois, répondit le docteur. Dans les régions arctiques, il faut manger beaucoup. C'est une des conditions non seulement de la force, mais de l'existence. Aussi la compagnie de la baie d'Hudson attribue-t-elle à chaque homme ou 8 livres de viande, ou 12 livres de poisson, ou 2 livres de pemmican par jour. Voilà un régime réconfortant, dit le charpentier. Mais pas tant que vous le supposez, mon ami, et un Indien gavé de la sorte ne fournit pas une quantité de travail supérieure à celle d'un Anglais nourri de sa livre de bœuf et de sa pinte de bière. Alors, monsieur Claoboni, tout est pour le mieux. Sans doute, mais cependant, un repas d'Esquimau peut à bon droit nous étonner. Aussi, à la terre Boutia, pendant son hivernage, Sir John Ross était toujours surpris de la voracité de ses guides. Il raconte quelque part que 2 hommes, 2, entendez-vous, dévorèrent pendant une matinée tout un quartier de bœuf musqué. Ils taillaient la viande en longues aiguillettes qu'ils introduisaient dans leur gosier. Puis chacun, coupant au ras du nez ce que sa bouche ne pouvait contenir, le passait à son compagnon. Ou bien ses gloutons, laissant pendre des rubans de chair jusqu'à terre, les avalaient peu à peu à la façon du boa digérant un bœuf, et comme lui, étendus tout de leur long sur le sol. « Pouah ! » fit Belle, « les dégoûtantes brutes !»« Chacun a sa manière de dîner, » répondit philosophiquement l'Américain. « Heureusement, » répliqua le docteur. « Eh bien, » reprit Altamonte, « puisque le besoin de se nourrir est si impérieux sous ces latitudes, je ne m'étonne plus que, dans les récits des voyageurs arctiques, il soit toujours question de repas. » « Vous avez raison, » répondit le docteur, « et c'est une remarque que j'ai faite également. Cela vient de ce que non seulement il faut une nourriture abondante, mais aussi de ce qu'il est souvent fort difficile de se la procurer. Alors on y pense sans cesse, et par suite, on en parle toujours. » « Cependant, » dit Altamonte, « si mes souvenirs sont exacts, en Norvège, dans les contrées les plus froides, les paysans n'ont pas besoin d'une alimentation aussi substantielle. » Un peu de laitage, des œufs, du pain d'écorce de bouleau, quelquefois du saumon, jamais de viande, et cela n'en fait pas moins des gaillards solidement constitués. « Affaire d'organisation, » répondit le docteur, « et que je ne me charge pas d'expliquer. Cependant, je crois qu'une seconde ou une troisième génération de Norvégiens transplantés au Groenland finirait par se nourrir à la façon groenlandaise. Et nous-mêmes, mes amis, si nous restions dans ce bienheureux pays, nous arriverions à vivre en Esquimaux. Pour ne pas dire en glouton fieffé. Monsieur Claoboni, dit Belle, me donne faim à parler de la sorte. Ma foi non, répondit Altamonte, cela me dégoûterait plutôt et me ferait prendre la chair de phoque en horreur. Eh, mais je crois que nous allons pouvoir nous mettre à l'épreuve. Je me trompe fort ou j'aperçois là-bas, étendue sur les glaçons, une masse qui me paraît animée. C'est un morse, s'écria le docteur. Silence et en avant. En effet, un amphibie de la plus forte taille s'ébattait à 200 yards des chasseurs. Il s'étendait et se roulait voluptueusement aux pâles rayons du soleil. Les 3 chasseurs se divisèrent de manière à cerner l'animal pour lui couper la retraite. Ils arrivèrent ainsi à quelques toises de lui en se dérobant derrière les hummocks et ils firent feu. Le morse se renversa sur lui-même, encore plein de vigueur. Il écrasait les glaçons, il voulait fuir. Mais Altamonte l'attaqua à coups de hache et parvint à lui trancher ses nageoires dorsales. Le morse essaya une défense désespérée. De nouveaux coups de feu l'achevèrent, il demeura étendu sans vie sur l'icefield, rougi de son sang. C'était un animal de belle taille. Il mesurait près de 15 pieds de long, depuis son museau jusqu'à l'extrémité de sa queue, et il eut certainement fourni plusieurs barriques d'huile. Le docteur tailla dans la chair les parties les plus savoureuses et il laissa le cadavre à la merci de quelques corbeaux qui, à cette époque de l'année, planaient déjà dans les airs. La nuit commençait à venir, on songea à regagner le Fort Providence, le ciel s'était entièrement purifié et en attendant les rayons prochains de la lune, il s'éclairait de magnifiques lueurs stellaires. « Allons en route, » dit le docteur, « il se fait tard. En somme, notre chasse n'a pas été très heureuse. » Mais du moment où il rapporte de quoi souper, un chasseur n'a pas le droit de se plaindre. Seulement, prenons par le plus court et tâchons de ne pas nous égarer. Les étoiles sont là pour nous indiquer la route. Cependant, dans ces contrées où la polaire brille droit au-dessus de la tête du voyageur, il est malaisé de la prendre pour guide. En effet, quand le nord est exactement au sommet de la voûte céleste, les autres points cardinaux sont difficiles à déterminer. La lune et les grandes constellations vinrent heureusement aider le docteur à fixer sa route. Il résolut, pour abréger son chemin, d'éviter les sinuosités du rivage et de couper au travers des terres. C'était plus direct, mais moins sûr. Aussi, après quelques heures de marche, la petite troupe fut complètement égarée. On agita la question de passer la nuit dans une hutte de glace, de s'y reposer et d'attendre le jour pour s'orienter. Dut-on revenir au rivage afin de suivre l'Icefield ? Mais le docteur, craignant d'inquiéter Hatteras et Johnson, insista pour que la route fût continuée. « Duke nous conduit, dit-il, et Duke ne peut se tromper. Il est doué d'un instinct qui se passe de boussole et d'étoiles. Suivons-le donc. » Duke marchait en avant et on s'en fia à son intelligence. On eut raison. Bientôt, une lueur apparut au loin dans l'horizon. On ne pouvait la confondre avec une étoile qui ne fût pas sortie de brumes aussi basses. « Voilà notre phare !» s'écria le docteur. « Vous croyez, monsieur Clawbonny ?» dit le charpentier. « J'en suis certain. Marchons !» À mesure que les voyageurs approchaient, la lueur devenait plus intense, et bientôt ils furent enveloppés par une traînée de poussière lumineuse. Ils marchaient dans un immense rayon, et derrière eux, leurs ombres gigantesques, nettement découpées, s'allongeaient démesurément sur le tapis de neige. Ils doublèrent le pas, et, une demi-heure après, ils gravissaient le talus du fort Providence. Chapitre 9. Le froid et le chaud. Hatteras et Johnson attendaient les trois chasseurs avec une certaine inquiétude. Ceux-ci furent enchantés de retrouver un abri chaud et commode. La température avec le soir s'était singulièrement abaissée et le thermomètre placé à l'extérieur marquait 23 degrés au-dessous de zéro, moins 31 degrés centigrades. Les arrivants, exténués de fatigue et presque gelés, n'en pouvaient plus. Les poêles, heureusement, marchaient bien. Le fourneau n'attendait plus que les produits de la chasse. Le docteur se transforma en cuisinier et fit griller quelques côtelettes de morse. À 9 heures du soir, les 5 convives s'attablaient devant un souper réconfortant. « Ma foi, dit Bell, au risque de passer pour un esquimau, j'avouerai que le repas est la grande chose d'un hivernage. Quand on est parvenu à l'attraper, il ne faut pas bouder devant. » Chacun des convives, ayant la bouche pleine, ne put répondre immédiatement au charpentier, mais le docteur lui fit signe qu'il avait bien raison. Les côtelettes de morse furent déclarées excellentes, et si on ne le déclara pas, on les dévora jusqu'à la dernière, ce qui valait toutes les déclarations du monde. Au dessert, le docteur prépara le café suivant son habitude. Il ne laissait à personne le soin de distiller cet excellent breuvage. Il le faisait sur la table, dans une cafetière à esprit de vin, et le servait bouillant. Pour son compte, il fallait qu'il lui brûlât la langue, où il le trouvait indigne de passer par son gosier. Ce soir-là, il absorba une température si élevée que ses compagnons ne purent l'imiter. « Mais vous allez vous incendier, docteur, » lui dit Altamont. « Jamais, » répondit-il. « Vous avez donc le palais doublé en cuivre, » répliqua Johnson. « Point, mes amis, je vous engage à prendre exemple sur moi. Il y a des personnes, et je suis du nombre, qui boivent le café à la température de 131 degrés, plus 55 degrés centigrades. 131 degrés, s'écria Altamont, mais la main ne supporterait pas une pareille chaleur. Évidemment, Altamont, puisque la main ne peut pas endurer plus de 122 degrés, plus 50 degrés centigrades, dans l'eau. Mais le palais et la langue sont moins sensibles que la main. Ils résistent là où celle-ci ne pourrait y tenir. Vous m'étonnez, dit Altamont. Eh bien, je vais vous convaincre. Et le docteur, ayant pris le thermomètre du salon, en plongea la boule dans sa tasse de café bouillant. Il attendit que l'instrument ne marquât plus que 131 degrés, et il avala sa liqueur bienfaisante avec une évidente satisfaction. Bell voulut l'imiter bravement et se brûla à jeter les hauts cris. « Manque d'habitude, » dit le docteur. « Clawbonny, » reprit Altamont, « pourriez-vous nous dire quelles sont les plus hautes températures que le corps humain soit capable de supporter ?» « Facilement, » répondit le docteur. « On l'a expérimenté, et il y a des faits curieux à cet égard. Il m'en revient un ou deux à la mémoire, et ils vous prouveront qu'on s'accoutume à tout, même à ne pas cuire ou cuirait un beefsteak. Ainsi, on raconte que des filles de service, au four banal de la ville de La Rochefoucauld, en France, pouvaient rester 10 minutes dans ce four pendant que la température s'y trouvait à 300 degrés, plus 149 degrés centigrades. » C'est-à-dire supérieure de 89 degrés à l'eau bouillante. et tandis qu'autour d'elle des pommes et de la viande grillaient parfaitement. « Quelle fille ! » s'écria Altamont. « Tenez, voici un autre exemple qu'on ne peut mettre en doute. Neuf de nos compatriotes, en 1774, Fordyce, Banks, Solander, Bludgeon, Home, Nuth, Lord Seaforth et le capitaine Phillips, supportèrent une température de 295 degrés, plus 146 degrés centigrades, pendant que des œufs et un roast beef cuisaient auprès d'eux. « Et c'était des Anglais, » dit Bell avec un certain sentiment de fierté. « Oui, Bell, » répondit le docteur. « Oh, des Américains auraient mieux fait, » fit Altamont. « Ils eussent rôti, » dit le docteur en riant. « Et pourquoi pas, » répondit l'Américain. « En tout cas, ils ne l'ont pas essayé, donc je m'en tiens à mes compatriotes. J'ajouterai un dernier fait, incroyable, si l'on pouvait douter de la véracité des témoins. Le duc de Rageuse et le docteur Jung, un Français et un Autrichien, virent un Turc se plonger dans un bain qui marquait 170 degrés, plus 78 degrés centigrades. « Mais il me semble, dit Johnson, que cela ne vaut ni les filles du four banal, ni nos compatriotes. « Pardon, répondit le docteur, il y a une grande différence entre se plonger dans l'air chaud ou dans l'eau chaude. L'air chaud amène une transpiration qui garantit les chairs, tandis que dans l'eau bouillante, on ne transpire pas et l'on se brûle. Aussi la limite extrême de température assignée au bain n'est-elle en général que de 107 degrés, plus 42 degrés centigrades. Il fallait donc que ce Turc fût un homme peu ordinaire pour supporter une chaleur pareille. « Monsieur Clawbonny, demanda Johnson, quelle est donc la température habituelle des êtres animés ?»« Elle varie suivant leur nature, répondit le docteur. Ainsi, les oiseaux sont les animaux dont la température est la plus élevée, et parmi eux, le canard et la poule sont les plus remarquables. La chaleur de leur corps dépasse 110 degrés, plus 43 degrés centigrades, tandis que le chat-huant, par exemple, n'en compte que 104, plus 40 degrés centigrades. Puis viennent en second lieu les mammifères, les hommes. La température des Anglais est en général de 101 degrés, plus 37 degrés centigrades. « Je suis sûr que M. Altamont va réclamer pour les Américains, » dit Johnson en riant. « Ma foi, » dit Altamont, « il y en a de très chauds. Mais comme je ne leur ai jamais plongé un thermomètre dans le thorax ou sous la langue, il m'est impossible d'être fixé à cet égard. »« Bon, » répondit le docteur, « la différence n'est pas sensible entre hommes de races différentes quand ils sont placés dans des circonstances identiques et quel que soit leur genre de nourriture. » Je dirais même que la température humaine est à peu près semblable à l'équateur comme au pôle. Ainsi, dit Altamont, notre chaleur propre est la même ici qu'en Angleterre. Très sensiblement, répondit le docteur. Quant aux autres mammifères, leur température est en général un peu supérieure à celle de l'homme. Le cheval se rapproche beaucoup de lui, ainsi que le lièvre, l'éléphant, le marsouin, le tigre. Mais le chat, l'écureuil, le rat, la panthère, le mouton, le bœuf, le chien, le singe, le bouc, la chèvre atteignent 103 degrés et enfin, le plus favorisé de tous, le cochon, dépasse 104 degrés, plus 40 degrés centigrades. C'est humiliant pour nous, fit Altamont. Viennent alors les amphibies et les poissons, dont la température varie beaucoup suivant celle de l'eau. Le serpent n'a guère que 86 degrés, plus 30 degrés centigrades, la grenouille 70, plus 25 degrés centigrades, et le requin autant dans un milieu inférieur d'un degré et demi. Enfin, les insectes paraissent avoir la température de l'eau et de l'air. « Tout cela est bien, » dit Hatteras, qui n'avait pas encore pris la parole, « et je remercie le docteur de mettre sa science à notre disposition. Mais nous parlons là comme si nous devions avoir des chaleurs torrides à braver. Ne serait-il pas plus opportun de causer du froid, de savoir à quoi nous sommes exposés ? Et quelles ont été les plus basses températures observées jusqu'ici ? C'est juste, répondit Johnson. Rien n'est plus facile, reprit le docteur, et je peux vous édifier à cet égard. Je le crois bien, dit Johnson, vous savez tout. Mes amis, je ne sais ce que m'ont appris les autres, et quand j'aurai parlé, vous serez aussi instruits que moi. Voilà donc ce que je puis vous dire, touchant le froid et sur les basses températures que l'Europe a subies. On compte un grand nombre d'hivers mémorables, et il semble que les plus rigoureux soient soumis à un retour périodique tous les 41 ans à peu près. Retour qui coïncide avec la plus grande apparition des taches du soleil. Je vous citerai l'hiver de 1364, où le Rhône gela jusqu'à Arles, celui de 1408, où le Danube fut glacé dans tout son cours et où les loups traversèrent le Kattega à pied sec. Celui de 1509, pendant lequel l'Adriatique et la Méditerranée furent solidifiées à Venise, à Sète, à Marseille, et la Baltique prise encore au 10 avril. Celui de 1608, qui vit périr en Angleterre tout le bétail. Celui de 1789, pendant lequel la Tamise fut glacée jusqu'à Gravesend, à 6 lieues au-dessous de Londres. Celui de 1813, dont les Français ont conservé de si terribles souvenirs. Enfin, celui de 1829, le plus précoce et le plus long des hivers du XIXe siècle. Voilà pour l'Europe. Mais ici, au-delà du cercle polaire, quel degré la température peut-elle atteindre ? Demanda Altamonte. Ma foi, répondit le docteur, je crois que nous avons éprouvé les plus grands froids qui aient jamais été observés, puisque le thermomètre à alcool a marqué un jour 72 degrés au-dessous de zéro, moins 58 degrés centigrades. Et si mes souvenirs sont exacts, les plus basses températures reconnues jusqu'ici par les voyageurs arctiques ont été seulement de 61 degrés à l'île Melville, de 65 degrés au port Félix et de 70 degrés au fort Reliance, moins 56,7 degrés centigrades. Oui, fit Hatteras, nous avons été arrêtés par un rude hiver, et cela mal à propos. Vous avez été arrêtés ? Dit Altamonte en regardant fixement le capitaine. Dans notre voyage à l'ouest, se hâta de dire le docteur. Ainsi, dit Altamonte, en reprenant la conversation, les maxima et les minima de température supportés par l'homme ont un écart de 200 degrés environ. Oui, répondit le docteur, un thermomètre exposé à l'air libre et abrité contre toute réverbération ne s'élève jamais à plus de 135 degrés au-dessus de zéro, plus 57 degrés centigrades. De même que par les grands froids, il ne descend jamais au-dessous de 72 degrés, moins 58 degrés centigrades. Ainsi, mes amis, vous voyez que nous pouvons prendre nos aises. Mais cependant, dit Johnson, si le soleil venait à s'éteindre subitement, est-ce que la Terre ne serait pas plongée dans un froid plus considérable ? Le soleil ne s'éteindra pas, répondit le docteur. Mais vint-il à s'éteindre, la température ne s'abaisserait pas vraisemblablement au-dessous du froid que je vous ai indiqué. Voilà qui est curieux. Oh, je sais qu'autrefois, on admettait des milliers de degrés pour les espaces situés en dehors de l'atmosphère. Mais, après les expériences d'un savant français, Fourier, il a fallu en rabattre. Il a prouvé que si la Terre se trouvait placée dans un milieu dénué de toute chaleur, l'intensité du froid que nous observons au pôle serait bien autrement considérable, et qu'entre la nuit et le jour, il existerait de formidables différences de température. Donc, mes amis, il ne fait pas plus froid à quelques millions de lieues qu'ici même. Dites-moi, docteur, demanda Altamonte, la température de l'Amérique n'est-elle pas plus basse que celle des autres pays du monde ? Sans doute, mais n'allez pas en tirer vanité, répondit le docteur en riant. Et comment explique-t-on ce phénomène ? On a cherché à l'expliquer, mais d'une façon peu satisfaisante. Ainsi, il vint à l'esprit d'Halley qu'une comète, ayant jadis choqué obliquement la Terre, changea la position de son axe de rotation, c'est-à-dire de ses pôles. D'après lui, le pôle nord, situé autrefois à la baie d'Hudson, se trouva reporté plus à l'est, et les contrées de l'ancien pôle, si longtemps gelées, conservèrent un froid plus considérable que de longs siècles de soleil n'ont encore pu réchauffer. Et vous n'admettez pas cette théorie ? Pas un instant, car ce qui est vrai pour la côte orientale de l'Amérique ne l'est pas pour la côte occidentale, dont la température est plus élevée. Non, il faut constater qu'il y a des lignes isothermes différentes des parallèles terrestres, et voilà tout. Savez-vous, monsieur Claoboni, dit Johnson, qu'il est beau de causer du froid dans les circonstances où nous sommes ? Juste, mon vieux Johnson, nous sommes à même d'appeler la pratique au secours de la théorie. Ces contrées sont un vaste laboratoire où l'on peut faire de curieuses expériences sur les basses températures. Seulement, soyez toujours attentifs et prudents. Si quelque partie de votre corps se gèle, frottez-la immédiatement de neige pour rétablir la circulation du sang. Et si vous revenez près du feu, prenez garde, car vous pourriez vous brûler les mains ou les pieds sans vous en apercevoir. Cela nécessiterait des amputations. Il faut tâcher de rien laisser de nous dans les contrées boréales. Sur ce, mes amis, je crois que nous ferons bien de demander au sommeil quelques heures de repos. Volontiers, répondirent les compagnons du docteur. Qui est de garde près du poêle ? Moi, répondit Bell. Eh bien, mon ami, veillez à ce que le feu ne tombe pas, car il fait ce soir un froid de tous les diables. Soyez tranquille, monsieur Claoboni, cela pique ferme, et cependant, voyez donc, le ciel est tout en feu. Oui, répondit le docteur en s'approchant de la fenêtre, une aurore boréale de toute beauté. Quel magnifique spectacle! Je ne me lasse vraiment pas de le contempler. En effet, le docteur admirait toujours ces phénomènes cosmiques auxquels ses compagnons ne prêtaient plus grande attention. Il avait remarqué d'ailleurs que leur apparition était toujours précédée de perturbations de l'aiguille aimantée, et il préparait sur ce sujet des observations destinées au Weather Book. Bientôt, pendant que Bell veillait près du poêle, chacun, étendu sur sa couchette, s'endormit d'un tranquille sommeil.